Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place. Mémoire de Gandhi. Je veux simplement prouver aux hindous ici et aux musulmans là-bas que les seuls démons de ce monde sont ceux qui grouillent dans notre propre cœur. Et que c'est là que doivent se livrer tous nos combats. Le mal est en nous. Ce langage de l'amélioration de soi est classique dans l'expérience spirituelle. L'originalité de Gandhi, c'est qu'il l'introduit dans l'expérience politique, s'en servant comme d'un levier. Devant lui, il avait une tâche surhumaine, accompagner vers l'indépendance un sous-continent entier, fracturé de divisions, semblait-il inexpiable. Il a parié sur l'unité. L'unité de la nation, l'unité de la société, dont les membres, dit-il, sont comme ceux d'un corps, ils ont besoin les uns des autres. À ceux qui lui reprochaient de ne pas se situer clairement entre hindous, musulmans, jaïnistes, etc., il répondait qu'il croyait aussi à l'unité fondamentale des aspirations religieuses. À l'origine, Gandhi n'est pas du tout un partisan de la représentation parlementaire, mais il apparaît peu à peu que son langage spirituel entretient des affinités avec le vocabulaire de la démocratie qu'il pratique de fait par son sens de l'écoute et sa recherche du compromis. La démocratie indienne, qui a perduré, doit beaucoup à l'originalité de cette expérience gandhienne. Mais 70 ans après son assassinat, l'Inde ne ressemble pas nécessairement à celle qu'avait imaginée le Mahatma. Elle est devenue un grand pays émergent, 1,3 milliard d'habitants, 7% de croissance, 100 têtes nucléaires et davantage. Modi, son premier ministre, nationaliste hindou, parle aujourd'hui le langage de la puissance. Mais pour dire quoi ? Beaucoup d'habitants du monde espèrent encore de l'Inde qu'elle tienne un langage universaliste comme à l'époque de Gandhi. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. En compagnie de Christophe Jaffrelot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous revenez d'Inde du Nord, vous avez parlé le hindi et l'anglais. Oui, effectivement. Vous vous apprêtez à reprendre vos cours à Sciences Po où vous parlez anglais. Oui, et français quand même. On parle beaucoup de Gandhi en ces temps-ci. Enfin, il y avait d'autres sujets de préoccupation. Très peu, de moins en moins. Et on pratique le gandhisme de moins en moins aussi. Et je pense que nous finirons par là. L'actualité indienne est très peu gandhienne. Vous me disiez, l'Inde, c'est le troisième pays chiite du monde. Sans doute. J'ai effectivement travaillé sur les chiites indiens. Et nous n'avons pas les chiffres du recensement. Hein. On sait combien il y a de musulmans, environ 200 millions aujourd'hui, puisqu'ils sont 14% en gros de ce 1,3 milliard. Mais on ne sait pas au sein de ces musulmans combien sont les chiites. L'intérêt que l'Iran porte au pays, par contre, témoigne qu'il s'agit, oui, d'un des grands pays chiites du monde. Bon, on ne va pas faire de statistiques, elles ne sont pas toutes au point, ni découper la population indienne en quartiers. Vous avez aussi beaucoup travaillé ces dernières semaines sur les hindous, parce que l'unité, c'est le langage de Gandhi. Vous nous pardonnerez nos archives sonores qui témoignent toutes de nos conventions françaises qui sont bien de chez nous et dans notre langue. On va commencer par un reportage qui ne date pas de cette année, anniversaire de l'assassinat de Gandhi, 70e anniversaire, mais de 2008, c'était le 10e anniversaire, le 60e anniversaire. Les meilleurs élèves du pays se sont donné rendez-vous ce matin pour un concours qu'ils préparent depuis plusieurs semaines. Une épreuve destinée à tester leurs connaissances sur le père de la nation indienne, le Mahatma Gandhi. Dernière révision avec leur professeur d'histoire. Vous êtes prêts ? En combien de volumes la biographie de Gandhi a-t-elle été publiée ? C'est un homme de premier plan qui a transformé notre pays. Il a obtenu notre indépendance face aux Anglais. Vivre en paix et en harmonie de nos jours, c'est très important. Non seulement en Inde, mais aussi dans le monde entier. 70 ans plus tard, il reste un modèle bien au-delà des frontières du pays. Mémorial qui lui est dédié à New Delhi passe une semaine sans procession en hommage au Mahatma. Indiens et touristes étrangers viennent se recueillir et trouver dans sa philosophie une résonance moderne. C'est un combattant de la liberté. Il nous a libérés et pour nous ça veut tout dire. Les êtres humains quand ils doutent se tournent vers la sagesse des anciens. Sagesse, harmonie, ce sont les mots retenus par les journalistes de TF1 qui en fait ce reportage en 2008. Oui, mais Christophe Jaffrelot, c'est le langage de la sainteté, ils ont raison d'une certaine manière, les journalistes, que parle Gandhi. Tout à fait. Il mène sa vie comme une quête spirituelle et sa vie politique fait partie de cette quête spirituelle. Et cela l'inscrit dans une tradition de l'hindouisme que l'on qualifie de karma yoga, le yoga de l'action. Le yoga peut prendre des formes très différentes. Il peut être contemplatif, cérébral, physique. Et puis, il peut être celui de l'action. Et le livre que Gandhi vénère entre tous, c'est la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux Seigneur, cette perle du Mahabharata qui est la grande épopée dans laquelle Krishna dit à Arjuna, le chef des Pandava, tu vas devoir combattre tes cousins, les Kaurava, donc tu vas être dans l'action violente, mais tu vas pouvoir faire cela sans intention de nuire, et du coup tu seras un karma yogi. Et Gandhi va chercher toute sa vie à dompter cette violence inhérente au combat politique. Alors le combat politique avec la Grande-Bretagne ne se fait pas nécessairement dans un affrontement constamment direct. En 1919, la Grande-Bretagne, elle a appris de l'expérience de la Première Guerre mondiale, introduit en Inde le self-government qui existe déjà dans les dominions blancs. Mais Gandhi refuse en même temps de participer aux élections avec le parti dont il a maintenant le contrôle, le Congrès. Oui, il est effectivement désireux de ne pas rentrer dans ce qu'il appelle le piège britannique qui consisterait à participer à la gestion, à la co-gestion en quelque sorte du pays. Ceci dit, beaucoup des membres du Congrès de ce parti, à commencer par le père de Motilal Nehru qui sera le premier ministre de l'Inde, jouent eux le jeu démocratique, ou on peut dire proto-démocratique, puisqu'on parle là de conseils élus au niveau des provinces seulement, et au suffrage censitaire bien sûr, mais tout de même, les Britanniques permettent aux Indiens d'apprendre la démocratie très tôt, et on comprend mieux pourquoi l'Inde, après plus d'un siècle de ce genre de pratique, fait preuve de robustesse du point de vue démocratique, parce que ça fait un siècle que eux votaient, et bien c'est naturel, ce que nos colonies, à nous, Français, n'avaient pas la chance de connaître. Mais Gandhi n'aime pas le parlementarisme en soi, il considère parfois la Chambre des députés comme un lieu de prostitution. En même temps, vous dites, il y a des tendances au Congrès qui acceptent la participation aux conseils provinciaux. Le Congrès lui-même, avec ses dissidences et ses tendances, c'est un Parlement. Voilà. Et en fait, ce que vous citez, c'est son livre. Le seul livre qu'il ait écrit, d'ailleurs, puisque Gandhi est celui qui a le plus écrit de tous les hommes politiques, de tout l'univers, de tout le monde, y compris plus que Lénine. Il écrivait constamment, mais il n'a fait qu'un livre. Et ce livre, In Swaraj, effectivement, est un procès du parlementarisme britannique, où il traite les députés de prostituées, effectivement. Il ne joue pas ce jeu-là, lui non plus. Il croit à ce qu'il appelle sa petite voix intérieure, qui ne va pas se soumettre à la loi du nombre. Ceci dit, au sein du Congrès, il cherche le consensus. Et donc, si certains veulent jouer le jeu parlementaire, eh bien, grand bien leur fasse. Il va essayer toujours, jusqu'à la fin, de maintenir l'unité du parti. En 1937, les Britanniques introduisent une réforme constitutionnelle. Et du coup, le Congrès, cette fois, accepte de participer en tant que tel aux élections et dirige d'ailleurs 8 provinces c'est ça. Jusqu'en 1939. Là, on a basculé du point de vue de Gandhi vers plus que du proto-parlementarisme et de la proto-démocratie. C'est-à-dire qu'à partir de 1935, les Indiens peuvent diriger les gouvernements des provinces. Et donc, jouer le jeu parlementaire lui convient davantage. Et puis, il est sous la pression de tous ces hommes politiques qui ont envie d'exercer des responsabilités. Et donc, pendant effectivement 2 années, jusqu'à ce que les Britanniques forcent l'Inde à entrer en guerre contre les puissances de l'Axe, eh bien, il y aura des gouvernements congressistes dans 8 provinces de l'Inde. Alors, démission des gouvernements congressistes en 1939, dans les conditions que vous dites, on continue à regarder Gandhi avec l'œil de l'Européen. En 1942, il invite les Indiens à une campagne de protestation, disant aux Britanniques « renoncez à l'Inde ». Et ça attire évidemment l'attention des nazis. Voici en 1942 un témoignage des actualités collaborationnistes des cinémas parisiens. On a dit que 1942 serait l'année du Moyen-Orient. Menacé au nord, menacé à l'ouest, on peut dire que le Moyen-Orient l'est aussi à l'est, où les Indes sortent de leur torpeur. Ce pays de 400 millions d'âmes, le pays des 78 castes, le pays des parias et des brahmanes, apparaît à l'étranger qui le parcourt comme la patrie de la soumission et de l'abdication. l'Inde répondent à l'appel de Gandhi. Cet homme étrange, aussi simple que cultivé, exige que ses compatriotes ne soient plus traités comme ils le sont, que ses enfants de l'une des plus vieilles civilisations aient enfin le droit de vivre libre. Et ce réveil d'un peuple immense, c'est un élément nouveau dans le Moyen-Orient. Et Hitler, il a des espérances aussi quant à Gandhi. Alors là, il faut que vous entriez dans une polémique passionnante. Un livre à sensation de Gilles von Grasdorff vient de sortir aux éditions du Cerf, qui reproduit les deux lettres que Gandhi, en 1939 et fin 40, a écrit à Hitler. Et l'Express reproduit ces deux lettres en disant elles sont méconnues. Enfin, vous les connaissez, vous, elles sont connues. Oui, il ne faut pas leur attribuer une importance non plus, je dirais, excessive. Parce qu'il dit « cher ami », mais pour lui, il n'a pas d'ennemi. Exactement. Dire « cher ami » au plus démoniaque des tyrans reste du gandhisme. Et c'est comme il le disait d'ailleurs dès 1914, c'est par l'amour que l'on va réussir à éviter les conflits. Hein. La Première Guerre mondiale avait été pour lui déjà une expérience de ce type. Alors ceci dit, en 39-45, la situation est un peu différente. Et le fait que Gandhi rentre dans cette opération Quit India, puisque c'est de cela qu'il s'agit, ça ne plaît pas à certains congressistes, dont Jawaharlal Nehru, qui est son dauphin, et qui dit « nous ne pouvons pas lutter contre les Britanniques et du coup faire le jeu des Allemands, car ce qui est en jeu, ce qui est en cause, c'est la civilisation avec un grand C ». Et donc il va y avoir des tensions au sein du parti du Congrès, et alors certains, alors cette fois-ci carrément à l'extrême droite du parti, iront jusqu'à Berlin, hein, et en passant par Tokyo d'ailleurs. Subhash Chandra Bose sera l'un de ceux-là. D'autres ne voudront pas, comme Nehru, lutter contre les Britanniques, et Gandhi aura plus de mal à garder cette fois-ci le parti du Congrès uni. Il y parviendra, mais c'est le moment où, en plus de cela, et c'est important, la violence s'exerce. Il y a des trains qui sont déraillés, que l'on fait dérailler, et là il est au début du déclin. On peut dire que 42-43, c'est le sommet de la courbe. Gandhi finira, on le sait, déprimé, ayant perdu ce qu'il considérait comme la bataille de la non-violence, et 42 est sans doute un tournant. Et il sera donc assassiné en 1948, c'est le 70e anniversaire. Bah tenez, puisque nous sommes dans un moment de bascule, c'est l'instant ou jamais de passer un extrait du Salon de musique, le film de Satyajit Ray, où il est question d'un monde ancien, un palais délabré, où on conserve la tradition musicale de naguère, d'un monde qui advient, peut-être un monde de parvenus. Le maître du palais délabré donne un concert aux parvenus pour enfin faire son éducation. যাচ্ছি বলতে নেই বলতে হয় আসি চি হয়ে থেকে দুষ্টুমি করো না La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun. Estimez-vous réellement que Gandhi n'a rien fait pour l'Inde? Gandhi just certainly wanted to do something for India, but we should not be under impression that Gandhi a certainement voulu faire quelque chose pour l'Inde, mais on ne doit pas se faire l'impression que nous devons précisément la liberté à Gandhi. Il n'était pas facile aux Britanniques de nous gouverner. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu notre liberté, non pas grâce à ces principes. Il ne faut pas se faire à l'idée que la liberté, nous l'avons obtenue avec l'aide de son principe de la non-violence, de l'ahimsa. Gandhi voulait être un homme politique, mais il n'avait aucun ascendant sur la politique. Oui, c'est vrai qu'il a voulu faire quelque chose pour la nation. Il s'est attiré pas mal de complications à cause de cela. Mais cela ne doit pas nous conduire à l'appeler le père de la nation. Il ne mérite pas ce titre. Mémoire de Gandhi, aujourd'hui avec Christophe Jaffrelot à l'occasion d'un autre anniversaire, celui de sa naissance, 1969, une grande série à France Inter consacrée à Gandhi, signée Jean Pézieux, avec le témoignage de cette dame qui dit non, ce n'est pas le père de la nation. Au fond, il n'avait pas suffisamment d'autorité, et puis, au moment de la grande partition qu'il a désespéré, il n'a pas réussi à tenir ensemble les éléments de la nation indienne. Oui, ce discours est assez typique du répertoire dominant aujourd'hui en Inde. Et qui renvoie au malaise croissant vis-à-vis du gandhisme non violent, multiculturel, universel. Et ça, c'est typique, effectivement, du deuxième discours. Il y a ce discours indien qu'on connaît bien, et puis il y a ce discours nationaliste hindou, qui n'a jamais adhéré aux valeurs gandhiennes, qui considérait que l'Inde était d'abord celle de la majorité hindoue, que les valeurs hindoues étaient des valeurs martiales, autant que non-violentes, et qu'on aurait pu atteindre l'indépendance par cette voie. Ce que Gandhi, lui, a très vite compris, c'est que la force ne réussirait jamais à bouter dehors les Britanniques, et qu'il fallait au contraire jouer sur leurs valeurs à eux, changer les cœurs, comme il disait, en les culpabilisant, en souffrant, en prenant sur soi la souffrance de la répression, et Dieu sait s'il est allé en prison, et Dieu sait s'ils sont tous allés en prison. Nehru a passé 9 ans de sa vie en prison, pour que, in fine, des réformes s'accumulent et qu'on soit sur le point de basculer dans l'indépendance sans qu'il n'y ait de guerre d'indépendance. C'est la première colonie à acquérir son indépendance sans qu'il n'y ait eu de guerre d'indépendance. Ce qui est quand même à mettre à son crédit, et aujourd'hui, c'est une des choses qu'on lui dénie. De même qu'évidemment, on lui dénie le fait d'avoir été effectivement universaliste, au point d'avoir toujours cherché à maintenir ensemble les communautés religieuses, et on l'accuse d'avoir été responsable de la partition et d'avoir laissé le Pakistan voir le jour au prix de violences intercommunautaires. À cause d'une attitude trop modérée vis-à-vis des musulmans. Et de Jinnah en particulier, qui était le chef de ces musulmans. La constituante, à laquelle on va venir maintenant, est déjà réunie quand Gandhi est assassiné. C'est ça. Elle a été réunie en 1946. C'est d'ailleurs un cas assez rare où la constituante est élue avant l'indépendance. Et dans cette constituante, il y a des tendances diverses, comme toujours. Tout à fait. Il y a des gens qui sont justement plutôt sur cette ligne, je dirais, hindoue militante, hindoue nationaliste, qui veulent que le hindi soit la langue de l'Inde. Et puis, il y a les gandhiens, et derrière les gandhiens, Nehru en particulier, premier ministre à l'époque, qui voudrait du multiculturalisme, du fédéralisme. Et c'est eux qui vont l'emporter, mais avec des concessions parfois assez dures à accepter. Oui, là vous êtes en train de nous expliquer quel est le réel rapport de force, mais je vous rappelle notre convention, toujours des archives sonores qui sont centrées uniquement, même quand il a disparu, sur le personnage de Gandhi. La Constitution est adoptée en 1950, 2 ans après sa mort. À New Delhi, la nouvelle Constitution des Indes est entrée en vigueur par la proclamation officielle de la République, à la suite des travaux de l'Assemblée constituante indienne que présidait le docteur Rajendra Prasad. La doctrine du Mahatma Gandhi marque cette constitution qui abolit les castes et divise l'Inde en États à gouvernement autonome sous le contrôle d'un gouvernement fédéral. La constitution indienne garantit aussi la liberté de conscience et le suffrage universel et fait de la grande nation orientale un État moderne et démocratique. Bon. Victoire des Gandhiens, oui. Vous distinguez, vous, dans le texte, les droits fondamentaux, et puis ensuite un certain nombre de principes qui figurent à la queue leu-leu les uns derrière les autres, qui relèvent peut-être davantage de l'influence gandhienne, mais qui ont moins d'importance. Tout à fait. Et là, il y a l'action d'un homme à mentionner, que les reportages de l'époque ont omis de façon assourdissante, celui qui a écrit ce texte, qui est le plus long de tous les textes constitutionnels du monde, hein, 356 articles, c'est un intouchable. C'est un homme d'une caste la plus basse, Dr. Ambedkar, qui avait fait son droit aux États-Unis et en Angleterre, et que Nehru prend comme ministre de la Justice et comme rédacteur de la Constitution. Alors pour être complet, là, je dois dire que vous avez publié une anthologie des texte de ce méconnu. Cette anthologie est publiée en anglais, bien sûr, oui, j'imagine. Oui. Mais la biographie est en français aux presses de Sciences Po. Donc et vous la présentiez en Inde il y a peu. Tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Ambedkar est celui qui a lutté contre Gandhi. Gandhi était très conservateur au plan social. Gandhi, comme vous le disiez d'ailleurs en introduction, a une vision organique de la nation. Et la vision organique, comme toute métaphore du corps, elle crée une tête et des pieds. Et ceux qui sont en bas, ceux qui sont représentés par les pieds, ce sont les intouchables, ce sont les gens qui sont au bas de l'échelle sociale. Et donc son unité est hiérarchique. Ce que Ambedkar, leader intouchable dès les années 20, n'aura de cesse de contester. Et Gandhi va être le seul d'ailleurs à mener un jeûne, une grève de la faim contre Ambedkar pour l'empêcher d'obtenir un électorat séparé en 32, et ce sera pour les intouchables, et ce sera évidemment une pomme de discorde qu'Ambedkar n'aura jamais oublié, n'oubliera jamais. Donc en 46, 47, 48, 49, quand on débat de tous ces articles de la Constitution, Ambedkar met un point d'honneur à éviter que toutes les valeurs gandhiennes les plus importantes ne soient dans le noyau dur de la Constitution, mais soit au contraire rejeté dans les principes directifs, comme par exemple la question de la vache sacrée, comme aussi la question du village. Le village était pour Gandhi le cœur, le berceau de la civilisation indienne, et il voulait en faire l'unité de base de l'État. Pour Ambedkar, le village, c'est le lieu de tous les archaïsmes, et il ne faut pas lui donner une place trop importante, donc on va réussir à l'éviter. On peut revenir sur ce thème de la République au village, comme on dirait en français. Les relations sont supposées harmonieuses par Gandhi dans le village entre les cultivateurs, les propriétaires et les artisans. Oui, il a une vision assez irénique des relations socio-économiques. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a désigné sous le nom anglais de trusteeship. Nous sommes tous les trustees, nous avons tous une part à faire, à jouer, un rôle à jouer dans la mise en valeur de la terre, aussi bien au plan agricole qu'industriel. Et il n'y a pas de lutte des classes. Ce qu'il dénonce le plus dans ses écrits, Gandhi, et quand il parle de l'Occident, c'est la lutte des classes. Et caste et classe, en l'occurrence, sont assez synonymes. Il n'y a pas de lutte des castes non plus. Il essaye d'abolir l'intouchabilité, mais sans abolir les intouchables, en disant ne prenez pas en mauvaise part le fait d'avoir à accomplir des tâches qui sont impures. Il faut bien que quelqu'un les fasse. Voilà. Et il fait avec le système des castes. Et il fait avec le système des castes en pensant qu'il faut le réformer, mais pas l'abolir. Alors dites-moi, vous présentez comme archaïque ce qui peut intéresser de nouvelles tendances de la vie politique. Je veux dire par exemple les tendances écologistes. Parce que si nous ne sommes pas d'abord des propriétaires, mais des usagers d'un bien commun que nous transmettons, c'est une idée infiniment moderne, disent des personnes qui en Inde, beaucoup plus tard, se présentent comme des descendantes de Gandhi. Alors voilà, toujours une vedette pour les journalistes occidentaux, Vandana Shiva, qui a animé un mouvement important dans les années 1990. Le reportage date ici de 2015. From the very beginning, as I mentioned already, my training as an activist began with the movement. J'ai été formé au sein du mouvement CIPCO. CIPCO, ça veut dire prendre dans ses bras. C'était un mouvement non violent. Lorsqu'une loi a été mise en place pour mettre en place un impôt sur le sel, Gandhi a pris dans sa main le sel et a dit « La nature nous la donne gratuitement, nous allons continuer à produire et utiliser ce sel sans payer d'impôt. » Et là, pour moi, ça a été la graine. Nous devons sauver les graines, les semences, donc ils nous font la souveraineté des graines. Et par ailleurs, j'ai promis qu'à chaque fois qu'il y a une loi qui vise à retirer notre liberté, à préserver les semences qui sont fondamentales pour la vie, comme quand il a refusé les lois sur le sel, nous refusons les brevets sur les semences, nous refusons les lois qui pénalisent les agriculteurs qui ne se plient pas à ces lois iniques. Et une loi a été passée par la Commission européenne pour que les semences locales soient illégales. Eh bien, voilà le genre de choses contre lesquelles je me bats. Gandhi appelait ça la force de la vérité. Vandana Shiva a commencé le combat en luttant contre de grands équipements, des grands barrages. Et les OGM. Et ensuite les OGM, la biodiversité. J'ai entendu ces mots de sa bouche il y a 3 mois lorsque j'étais dans sa ferme expérimentale avec des amis, dont d'ailleurs son éditeur, Actes Sud, qui a traduit Vandana Shiva en français. Effectivement, une des grandes batailles de Vandana Shiva, c'est la lutte contre les OGM et pour la diversité des semences qui permet de diviser les risques, de d'éviter que le paysan soit affecté par une maladie. Ça a des affinités, tout ça, avec le gandhisme et son villagisme. Bien sûr. Et on peut considérer que Gandhi est à l'origine de l'écologie indienne. Simplement, il n'a pas été repris par davantage de personnes que des ONG. Aucun parti politique, aucune force politique, et c'est bien regrettable, n'a considéré que l'écologie était un enjeu en Inde. On se retrouve du coup avec des politiques publiques qui sont incapables de limiter la pollution atmosphérique, de sauver les rivières qui sont toutes en perdition. Et il n'y a que les juristes, il n'y a que la Cour suprême en vérité, à s'intéresser à ces enjeux. Alors, cette semaine, anniversaire de la mort de Gandhi, et la semaine passée, pendant que vous étiez en Inde, Christophe Jaffrelot, un rythme diplomatique pour le Premier ministre Modi, inouï. Le Premier ministre israélien est venu en visite pendant 6 jours. Modi est allé ouvrir Davos en Suisse, en disant que l'Inde était un des premiers marchés du monde, que c'était le 5e pays attractif pour les investissements extérieur, et ensuite il a réuni les dirigeants de l'Asie du Sud-Est, oui, en disant « Nous sommes une puissance », le langage de la puissance. Tout à fait, l'Inde fait preuve d'un activisme diplomatique tout à fait remarquable, on peut le dire comme ça, en tout cas remarqué, sous l'impulsion de Narendra Modi. On peut, si on veut simplifier, dire qu'on passe du soft power au hard power. On passe... Parler français. Oui, mais c'est difficile à traduire. On passe d'une puissance d'influence, ouais, qui avait pour objectif de promouvoir une image, des valeurs. Et Nehru était probablement celui qui, de ce point de vue-là, aura porté le discours gandhien sur la scène mondiale plus fortement que quiconque. Considérant dès les années 50 qu'il fallait éviter que le nucléaire devienne l'arme la plus crainte et la plus répandue. Et il a été aussi utilisé, Nehru, dans les conflits de Corée, de l'Indochine, toujours avec ces mêmes valeurs. On est passé de cela à quelque chose qui est beaucoup plus militarisé, qui est beaucoup plus, même on peut dire, fondé sur des missiles, du balistique. Et Modi est, en plus de cela, celui qui porte à la fois l'idéologie nationaliste hindoue, donc pour laquelle la violence est légitime, mais aussi dans un contexte où la Chine étant maintenant omniprésente dans la région, eh bien il faut trouver une parade. Et donc c'est non seulement Israël, mais ce sont aussi bien sûr les Américains, les Japonais, les Australiens, qui sont devenus les grands alliés, les grands partenaires plutôt qu'alliés de l'Inde dans ce combat. Vous êtes en train de dire que Gandhi, puis Nehru d'une autre manière, tenaient un langage universaliste et que l'Inde s'affirme comme une puissance face à la Chine en Asie, et qu'elle est d'abord centrée sur l'Asie. Qu'elle est nationaliste. On est passé d'un discours universaliste à un discours nationaliste, et voire à un discours ethno-nationaliste. C'est-à-dire que la nation se réduit de plus en plus à la majorité hindoue. Et la place des musulmans, et des chrétiens en partie, devient de plus en plus celle de citoyens de seconde zone. Alors que c'est l'objet de toutes vos études. Est-ce qu'il y a bon sang de bois un titre en français à donner de vous? Fayard est votre éditeur fidèle. Ah bah Fayard, effectivement, a publié... Et votre livre sur la démocratie en Inde, bien qu'un peu ancien, parle beaucoup du rôle de Gandhi dans l'établissement de la démocratie dans le sous-continent. Alors, je fais quand même le générique de la marche de l'histoire, Valérie Estaraï à la réalisation, Ronan Maï à la technique. La préparation, c'était Franck Olivard.